Ma vie, de Isadora Duncan. Quatrième épisode, la maternité. Après son séjour en Grèce, Isadora Duncan a fondé sa première école à Berlin, dans le quartier de Grunewald, où elle s'occupe avec sa sœur d'enseigner son art de la danse à une quarantaine de fillettes. Un soir de 1905, elle rencontre Edward Gordon Craig, fils de la grande actrice anglaise Ellen Terry. Il est aussi acteur, mais surtout metteur en scène, théoricien et décorateur de théâtre. Tourné vers l'expérimentation et le renversement des traditions, il sera une figure importante de la naissance du théâtre moderne. Si l'amour entre Isadora et lui est immédiat et passionné, il est aussi exclusif et orageux. Gordon Craig se révèle vite jaloux du temps qu'Isadora consacre aux autres et à son art. Je pensais à cette villa de Grunewald avec ses 40 petits lits. La destinée est inexplicable. Si j'avais rencontré Craig quelques mois plus tôt, il n'y aurait eu ni villa ni école. Je trouvais en lui une satisfaction si complète que je n'aurais pas éprouvé le besoin de fonder une école. Mais maintenant que le rêve de mon enfance avait pris corps, il devenait une idée fixe. Très vite, je découvris, et il n'y avait aucun doute possible, que j'étais enceinte. Je continuais de danser devant le public, d'enseigner dans mon école, d'aimer mon endymion. Mais quand j'avertis Craig, il sursauta. Quoi ? Encore ? J'avais oublié qu'il avait été marié et qu'il avait déjà 5 enfants. Il était nerveux, malheureux, se mordait les ongles jusqu'au sang et s'écriait « Mon œuvre ! Mon œuvre ! Mon œuvre !» Toujours cette sauvage nature qui vient contrarier l'art. Le printemps arriva, j'avais un engagement pour le Danemark, la Suède et l'Allemagne. Il me fallait accepter cette tournée pour subvenir aux frais écrasants de l'école. Après une saison très réussie à Stockholm, nous revînmes par mer en Allemagne. Sur le bateau, je me trouvais réellement malade et je compris qu'il valait mieux pour moi ne plus faire de tournée, au moins pendant un certain temps. J'avais un grand désir d'être seule, loin du regard de la foule. Au mois de juin 1906, après être retournée quelque temps à mon école, j'eus une envie violente d'aller au bord de la mer. Je partis donc d'abord pour La Haye, puis pour un petit village appelé Nordvik sur les bords de la mer du Nord. Je louai une petite villa blanche dans les dunes qui portait le nom de Villa Maria. J'avais l'innocence de croire qu'un accouchement est une chose extrêmement simple. Je m'installai donc dans cette villa qui était très loin de la première ville. J'y demeurai pendant les mois de juin, de juillet, d'août et de septembre. J'entretenais une active correspondance avec Elisabeth, qui dirigeait l'école de Grunewald pendant mon absence. Au cours du mois de juillet, j'écrivis dans mon journal toute une série de préceptes relatifs à l'enseignement de la danse, et je préparais 500 exercices qui allaient des mouvements les plus simples aux mouvements les plus complexes, formant un abrégé complet de mon art. Craig était nerveux, il venait et repartait. Mais je n'étais plus seule. L'enfant faisait maintenant sentir sa présence de plus en plus fréquemment. Craig me paraissait étrangement loin et toujours plongé dans son art, tandis que je pensais de moins en moins au mien et que je m'absorbais uniquement dans la tâche redoutable et monstrueuse qui m'était échue. Mystère affolant de la joie et de la douleur. Pourquoi ma chère mère n'était-elle pas avec moi ? Parce que, au nom d'un absurde préjugé, elle ne me pardonnait pas de n'être pas mariée. Mais elle avait connu le mariage, elle. Elle l'avait trouvé impossible et avait divorcé. Pourquoi voulait-elle que j'entre dans le piège où elle avait été si cruellement blessée ? J'étais opposée au mariage de toutes les forces de mon être. J'estimais, et j'estime encore, que c'est une institution insensée et avilissante, qui conduit inévitablement à des procès en divorce à la fois vulgaires et injustifiables. En août, une infirmière vint habiter avec moi. Cette femme s'appelait Marie Kist, et elle devint par la suite une excellente amie. Je n'ai jamais connu d'être plus patient et plus doux. Elle me fut d'un grand réconfort. Septembre vint. Un jour, je sentis un coup violent dans le milieu du dos, comme si quelque chose se broyait en moi, Puis une douleur épouvantable, comme si l'on avait enfoncé une vrille dans ma colonne vertébrale pour la faire éclater. La torture commençait, faisant de moi une pauvre victime aux mains de quelques bourreaux impitoyables. Une crise finissait à peine qu'une autre commençait. On dit que de telles souffrances sont vite oubliées. Tout ce que je puis répondre, c'est qu'il me suffit de fermer les yeux pour entendre à nouveau mes cris et mes plaintes. Pendant 2 jours et 2 nuits, cette douleur indescriptible continua. Et le 3e jour au matin, un médecin imbécile sortit une immense paire de forceps et, sans anesthésie d'aucune sorte, mit fin à cette boucherie. Ne me parlez pas du mouvement féministe tant que les femmes n'auront pas mis fin à cette souffrance inutile et n'auront pas exigé que l'accouchement, comme toutes les autres opérations, se fasse sans douleur. Vous pouvez dire qu'en voyant mon enfant, j'ai été payée de mes peines. Oui, ma joie a été complète. Et pourtant, je tremble encore d'indignation quand je pense à ce qu'endurent tant de victimes devant l'aveuglement des médecins qui permettent ces atrocités remédiables. Mais quel enfant! Elle était étonnante, belle comme un amour. Miracle des miracles, sa petite bouche cherchait mon sein, le mordait de ses gencives, aspirait et buvait mon lait. Ô femme, pourquoi chercher à devenir avocate, peintre ou sculpteur quand ce miracle existe? Je connaissais maintenant cet amour tout-puissant. J'étais étendue et sanglante, déchirée et sans force, mais ma petite tétait et criait. Vie, vie, vie, où était l'art? Que me souciais-je d'art? J'étais un dieu supérieur à tous les artistes. Les premières semaines, je restais étendue avec mon enfant dans mes bras, en admiration devant son sommeil. Puis nous retournâmes à Grunewald avec l'enfant et ma douce amie Marie Kist. Toutes les petites furent aux anges de voir le bébé. Tout le monde demandait « Comment allons-nous l'appeler ?» Craig eut l'idée d'un admirable nom irlandais. Deirdre. Nous l'appelâmes donc Deirdre. Je m'aperçus un beau matin en allant à la banque que mon compte était vide. Il était urgent de trouver quelque moyen de le renflouer. Une invitation d'un impresario de Saint-Pétersbourg vint fort à propos. Je confiais Deirdre à Marie Kist, tandis que je prenais l'express. Comme on peut l'imaginer, ce fut pour moi un triste voyage. C'était la première fois que je me séparais de ma fille. Le public russe m'accueillit avec son enthousiasme ordinaire et eut pour moi beaucoup d'indulgence. Souvent, pendant que je dansais, mon lait coulait le long de ma tunique. Qu'il est difficile à une femme de poursuivre une carrière. J'abrégeai mon voyage autant que je le pus et j'acceptai un engagement pour la Hollande avec l'idée d'être plus près de mon école et de ceux que je voulais tant revoir. Le premier soir où je parus sur scène, à Amsterdam, un grand malaise me prit. C'était sans doute ce qu'on appelle une fièvre de lait, et après le spectacle, je m'évanouis sur la scène. Pendant des jours et des semaines, je demeurais dans l'obscurité, enveloppée de poches de glace. On me soutenait avec du lait opiacé, et j'allais de délire en délire. Ma convalescence fut longue. Je dus pourtant reprendre, dès que j'en fus capable, ma tournée en Hollande. J'étais très abattue. J'adorais Craig. Je l'aimais de toute l'ardeur de mon âme, mais je me rendais compte que notre séparation était inévitable. Je ne pouvais plus travailler. Je ne pouvais plus danser. Je ne me souciais plus de savoir si le public aimait ou n'aimait pas ce que je faisais. Cet état de choses devait cesser. Il fallait que l'art de Craig ou le mien cédât. Et je savais qu'il m'était impossible de renoncer à mon art. J'en aurais dépéri, j'en serais morte de chagrin. Il fallait trouver un remède. Il entra chez moi un après-midi. Il était bon enfant, jeune, tiré à 4 épingles. Il me dit « Mes amis me nomment Pim ». J'avais signé mon engagement pour une tournée en Russie, une tournée longue, fatigante, et j'avais peur des grandes tournées seules. « Voulez-vous venir avec moi en Russie, Pim ?» lui dis-je. « Oh, j'adorerais cela !» répliqua-t-il vivement. J'avais trouvé mon remède. Pim était gentil, blond avec des yeux bleus, sans complications intellectuelles. Son amour donnait raison à la parole d'Oscar Wilde. « Mieux vaut le plaisir qui dure un moment que le chagrin qui dure toute la vie. » Pim me donnait le plaisir qui dure un moment. L'amour m'avait auparavant apporté le romanesque, l'idéal, la souffrance. Pim m'apporta le plaisir tout court, simple, charmant, et à un moment où j'en avais le plus besoin. Pour la première fois, peut-être je goûtais la joie d'être jeune, de façon simple, de façon frivole. Il riait de tout, il sautait, il dansait. J'oubliais ma peine. Je vivais l'heure qui passe, heureuse et insouciante. Il en résulta que ma danse fut plus légère que jamais, légère de toute ma joie de vivre. Si je n'avais envisagé la danse que comme un solo, ma route aurait été toute tracée. Déjà célèbre, recherché dans tous les pays, je n'aurais eu qu'à poursuivre une carrière triomphale. Mais hélas, j'étais possédée par l'idée d'un orchestre de danseuses, un vaste ensemble dansant la 9e symphonie de Beethoven. La nuit, je n'avais qu'à fermer les yeux et je voyais évoluer ces danses puissamment ordonnées. Avec ce rêve en mon âme, je retournais à Grunewald pour instruire mon petit groupe d'élèves. Elle dansait déjà avec une telle grâce que je sentais plus forte ma foi en la perfection suprême d'un orchestre de danseuses, d'un orchestre qui serait à la vue ce que sont les grandes symphonies à l'oreille. Néanmoins, il devenait difficile de faire face aux dépenses. Et comme il devint de plus en plus évident que je ne trouverais pas en Allemagne l'appui dont j'avais besoin pour mon école, j'eus l'idée d'emmener mes élèves avec moi dans différents pays, espérant trouver un gouvernement qui voulût bien reconnaître la beauté de cette éducation et m'aider à faire l'expérience de mon projet sur une grande échelle. Je songeais alors à la Russie, car là j'avais trouvé un tel enthousiasme que j'y avais fait fortune. Avec l'idée de fonder une école à Saint-Pétersbourg, je retournai là-bas en janvier 1907, accompagnée d'Elisabeth et d'une vingtaine de petites élèves. La tentative fut un échec. Les ballets impériaux étaient trop fortement enracinés pour qu'un changement fût possible. Ainsi, ne trouvant d'appui pour mon école ni en Allemagne ni en Russie, je me décidai à essayer l'Angleterre. Au cours de l'été de 1907, j'emmenai ma petite troupe à Londres. Le public de Londres vit en moi et mes élèves un charmant délassement, mais je ne trouvais aucune aide réelle pour fonder une école future. Comme toujours, les dépenses étaient lourdes. Une fois de plus, mon compte en banque était à sec. Mon école fut donc forcée de retourner à Grunewald, tandis que je signais un contrat avec Charles Frohman pour une tournée en Amérique. Charles Frohman était un grand impresario, mais il ne comprenait pas que mon art n'était pas une manifestation théâtrale ordinaire. Frohman me présenta en plein mois d'août comme une attraction de Broadway, avec un orchestre insuffisant qui fit ce qu'il put pour jouer l'Iphigénie de Gluck et la 7e symphonie de Beethoven. Le résultat fut, comme il fallait s'y attendre, un four complet. Je sentais que mon retour au pays natal était une grande erreur. Un jour que j'étais dans ma loge, je vis près de la porte un homme qui me tendit la main et me dit de si belles choses sur l'effet que mon art avait produit sur lui que je me sentis dédommagée de tout ce que j'avais souffert depuis mon arrivée à New York. Cet homme était George Gray Barnard, le grand sculpteur américain. Il vint dès lors chaque soir à mes représentations et y amena des artistes, des poètes ou des jeunes révolutionnaires de Greenwich Village. Suivant les conseils de George Barnard, qui ne cessait de me répéter qu'il était fier de trouver en moi un fruit du sol américain et que ce lui serait un grand chagrin si l'Amérique n'appréciait pas mon art, je me décidai à rester à New York. Je louai un atelier. Je le garnis de mes rideaux bleus et je me mis à créer de nouvelles danses que j'exécutais chaque soir devant des poètes et des artistes. Dans le Sunday Sun du 15 novembre 1908, voici la description qui fut faite d'une de ces soirées. Isadora Duncan est drapée jusqu'à la taille dans une magnifique broderie chinoise. Ses cheveux sombres sont enroulés en une sorte de torsade sur la nuque et partagés sur le devant comme une chevelure de madone. Elle a le nez retroussé et les yeux d'un gris bleu. Des lumières à reflets d'ambre sont projetées sur elle. Et un disque jaune au centre du plafond répand une clarté douce qui complète l'harmonie des couleurs. Miss Duncan s'excuse de n'avoir pour orchestre qu'un piano qui ne convient pas. Et elle commence. Une longue série de figurines de Tanagra, les processions des frises du Parthénon, les douloureuses guirlandes des runes et des tablettes, l'abandon des bacchantes. Vos yeux semblent ne voir qu'elle, mais voient en réalité défiler toute la nature humaine au temps où l'artifice n'existait pas. L'esprit remonte bien loin dans le passé, jusqu'au fond des siècles, quand Isadora Duncan danse. Il remonte jusqu'au premier matin du monde, quand la grandeur de l'âme trouvait sa libre expression dans la beauté du corps, quand le rythme du mouvement correspondait au rythme du son, quand la cadence du corps humain ne faisait qu'un avec le vent et la mer. George Gray Barnard m'avait conseillé de rester en Amérique et j'eus lieu de me réjouir de l'avoir écouté. Un jour, un homme vint dans mon studio qui devait me gagner l'enthousiasme des foules américaines. C'était Walter Damrosch. Il m'avait vu danser au Criterion Theatre avec un orchestre réduit et médiocre. Il entrevit l'effet que ferait cette danse si elle était accompagnée par l'orchestre magnifique qu'il conduisait si magistralement. Damrosch me proposa une série de représentations au Metropolitan Opera pendant le mois de décembre. J'acceptai joyeusement. Le résultat fut celui qu'il avait prévu. À la première représentation, Charles Frohman, qui avait envoyé chercher une loge, fut étonné d'apprendre qu'il n'y avait plus de place libre. Cet exemple prouve que, si grand que soit l'artiste, s'il n'a pas ce qu'il faut pour le mettre en valeur, ses efforts les plus élevés peuvent être perdus. Comment décrire la joie de danser avec cet orchestre ? Quand j'étais au milieu de la scène, j'étais reliée par toutes les fibres de mon corps à l'orchestre et à l'homme qui le dirigeait. Il y avait une extraordinaire sympathie entre Damrosch et moi. Et à chacun de ses gestes, je sentais immédiatement la vibration correspondante. Tandis qu'il augmentait la force du crescendo, la vie montait en moi et débordait sous forme de gestes. Souvent, je me disais, quelle erreur de m'appeler une danseuse. Je suis un pôle magnétique qui concentre et traduit les émotions de la musique. Bientôt, j'eus la satisfaction d'apprendre de ma banque que j'avais à mon compte 250 000 dollars. Et si toutes les fibres de mon cœur ne m'avaient pas fait ardemment désirer revoir mon enfant et mon école, je n'aurais jamais quitté l'Amérique. Mais un matin, je laissai sur la jetée un petit groupe d'amis, mes poètes, mes artistes, et je rentrai en Europe. Elisabeth était venue m'attendre à Paris avec 20 de mes élèves et ma petite Deirdre. Qu'on imagine ma joie, je ne les avais pas vus depuis 6 mois. Le grand artiste Luniepo s'était chargé de mes représentations à Paris. Il estimait que ma danse nécessitait une certaine mise en scène et avait loué pour moi la Gaîté Lyrique ainsi que l'orchestre Colonne. Colonne en personne était au pupitre. Nous prîmes Paris d'assaut. À chacune de mes représentations, le théâtre était bondé de l'élite du monde artistique et intellectuel. J'avais l'impression que j'étais bien près de réaliser mon rêve et que le courant que je voulais fonder était à portée de main. Seulement, il m'était toujours impossible de faire face aux dépenses. J'avais, avec mes seules ressources, adopté 40 enfants dont je prenais soin et que j'instruisais. 20 d'entre elles étaient en Allemagne et 20 à Paris. Un jour, je dis en riant à ma sœur Elisabeth « Si notre école doit vivre, il faut trouver un millionnaire. » Après une représentation à la Gaîté Lyrique, on m'apporta un jour une carte de visite sur laquelle je lus un nom bien connu et soudain chanta dans mon cerveau « Voici mon millionnaire !» Il entra, grand et blond, avec des cheveux et une barbe frisée. Ma première pensée fut Lohengrin. « Qui veut être mon chevalier ?» Il parlait d'une voix charmante. « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai souvent applaudi votre art merveilleux. » dit-il. J'admire votre courage pour réaliser l'idéal de votre école. Je suis venu pour vous aider. Voudriez-vous aller avec toutes vos petites danseuses dans une villa de la Riviera, au bord de la mer, et là composer de nouvelles danses ? Une semaine plus tard, toute ma petite troupe filait vers la mer et le soleil. Lohengrin nous attendait à la gare. Il nous conduisit à une délicieuse villa. Des terrasses, il nous montra son yacht aux ailes blanches. Lohengrin était on ne peut plus charmant avec les enfants. Son dévouement à leur égard ajouta à la reconnaissance que je lui vouais déjà et qui, à son contact journalier, fut bientôt transformée en un sentiment plus fort et plus profond. Cependant, je le regardais encore simplement comme mon chevalier, digne d'être vénéré à distance, d'une manière en quelque sorte spirituelle. Un soir, il invita toute une bande d'amis à un bal masqué au casino. Il donna à chacun un costume de Pierrot en satin liberty. La soirée s'annonçait joyeuse. Au milieu de cette folle réunion, je fus appelée au téléphone. On me faisait dire qu'Erika, la plus jeune élève de l'école, venait d'être victime d'une crise de croupe, que c'était très grave, qu'elle était en train de mourir. Je me précipitai à la table de Lohengrin, qui décida qu'il fallait immédiatement appeler un médecin. Et ce fut là, près de la cabine téléphonique, sous le poids de cette angoisse commune pour un petit être, que notre résistance tomba et que nos lèvres s'unirent pour la première fois. Mais il ne fallait pas perdre une seconde. Tels que nous étions, en Pierrot, nous partîmes avec un médecin et filâmes jusqu'à la villa. La petite Erika suffoquait, la figure toute noire. Le docteur fit ce qu'il avait à faire. 2 heures plus tard, il affirma qu'elle était sauvée. Lohengrin me prit dans ses bras et murmura « Très cher, ne serait-ce qu'en souvenir de cette nuit, pour cette seule émotion, je vous aimerai toujours. » Le matin suivant, il me proposa une fugue en yacht. Nous prîmes ma petite fille avec nous et, laissant l'école aux soins des monitrices, nous fîmes voile vers l'Italie. Si j'avais pu supposer que l'homme avec lequel j'étais avait un caractère d'enfant gâté, que chacune de mes paroles, chacune de mes actions devait être préparée pour plaire, tout se serait bien passé. Mais j'étais trop jeune et trop naïve pour penser à cela. Et je parlais, expliquant mes idées sur la vie, sur la République de Platon, sur Karl Marx et sur la réforme du monde, sans me douter un instant des ravages que je causais. Cet homme qui avait déclaré qu'il m'aimait pour mon courage et ma générosité se montra de plus en plus inquiet quand il découvrit quelle ardente révolutionnaire il avait prise à son bord. Je me consolais en pensant que bientôt il ouvrirait les yeux et qu'il verrait clair, qu'il m'aiderait à fonder ma grande école pour les enfants du peuple. Pendant ce temps-là, le magnifique yacht voguait sur la Méditerranée. Je revois tout comme si c'était hier. Le large pont du bateau, la table dressée avec les cristaux et l'argenterie pour le déjeuner, Deirdre en tunique blanche qui dansait près de nous. Certes, j'étais amoureuse et heureuse. Cependant, je songeais sans cesse avec tristesse au soutier dans la chambre de chauffe, aux 50 marins du yacht, au capitaine et à son second, à toute cette immense dépense pour le plaisir de 2 personnes. Inconsciemment, je souffrais, à mesure que s'écoulaient ces jours qui m'écartaient de ma route. Quelquefois, je comparais l'agrément de cette vie luxueuse, de ces fêtes continuelles, de cet abandon au plaisir, avec l'âpre lutte de ma prime jeunesse. Lohengrin désirait continuer à naviguer en Méditerranée, mais j'avais un contrat avec mon impresario en Russie, et sourde à tous ses plaidoyers, bien que ce fût très difficile, je décidai d'exécuter mon engagement. Cette tournée en Russie fut aussi triomphale que les autres. À mon retour à Paris, Lohengrin m'attendait. Il m'emmena dans un appartement place des Vosges et me coucha dans un lit Louis XIV où il me mangea littéralement toute vivante et m'étouffa de caresses. Là, je découvris à quel point les nerfs et les sens peuvent être secoués. Il me semblait que je naissais à la vie d'une manière nouvelle et joyeuse. Lohengrin m'emmena dans les meilleurs restaurants de Paris, où il était accueilli par des courbettes et traité comme un dieu. Pour la première fois, je rendis visite à un couturier à la mode. Et moi qui n'avais jamais porté que ma petite tunique blanche, en laine pendant l'hiver, en toile pendant l'été, je succombais au plaisir de commander des robes magnifiques et de les porter. Je passai ensuite quelques semaines seule à Venise avec Deirdre et sa nurse. Un jour, dans la basilique Saint-Marc, j'admirai le bleu et l'or du dôme lorsqu'il me sembla tout à coup voir la figure d'un petit garçon avec de grands yeux bleus et une auréole de cheveux dorés. Cette vision me remplit de joie et d'inquiétude. J'entrevoyais le nouveau sacrifice que j'allais imposer à mon art. Deirdre, tu vas avoir un petit frère. J'envoyai un télégramme à Lohengrin et il accourut à Venise. Il était ravi. J'avais signé un second engagement avec Walter Damrosch. En octobre, nous étions en route pour l'Amérique. Lohengrin n'avait jamais vu l'Amérique. Il était fou de plaisir. Cette tournée fut des plus heureuses, des plus brillantes et des plus réussies. Mais un jour de janvier, on me fit comprendre que mon état béni devenait vraiment trop visible et qu'il valait mieux l'interrompre et repartir pour l'Europe. Nous revînmes en France. Lohengrin loua pour la saison une luxueuse villa à Beaulieu-sur-Mer, près de Villefranche. Et le 1er mai 1910, un matin où la mer était très bleue, où le soleil brillait, où toute la nature s'épanouissait en fleurs et en joie, mon fils naquit. Contrairement au stupide docteur villageois de Nordvik, l'intelligent docteur Bosson savait comment alléger les souffrances avec des doses raisonnables de morphine. Et la seconde épreuve fut bien différente de la première. Une fois encore, je me trouvais au bord de la mer, étendue avec un enfant dans mes bras. Seulement, au lieu de la blanche petite Villa Maria, secouée par le vent, j'étais dans un palais seigneurial. Et la mer du Nord, grise et mauvaise, était remplacée par la Méditerranée aux flots bleus. Isadora Duncan, Ma vie, lu par Odja Lorca, avec la voix de Julien Alouf. Traduction, Jean Alary. Choix des extraits, Pauline Timonier. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laure Egoroff. Ma vie est publiée aux éditions Gallimard.